Barbara Lynn sur RGM, un peu plus de 8h35, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 16 janvier 1938, naissance de Jean-Claude Narcy, journaliste français, 1939, naissance de Jean Van Ham, scénariste de bande dessinée, romancier belge, connu pour avoir créé et scénarisé les aventures de trois personnages de la bande dessinée belge, Thorgal, 13 et Largo Winch. 1942, naissance de Richard Boringer, acteur franco-sénégalais, vu dans les Doué, Le Dernier Métro, Inspecteur La Bavure, La Boum, Les Uns et les Autres, Les Babacools, Le Grand Pardon, L'Addition dans le rôle de Lorca, récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle, Subway, Le Grand Chemin dans le rôle de Pélo, récompensé par le César du meilleur acteur, La Vérité si je mens dans le rôle de Victor Benzakem, vu également à la télé dans la série Un Homme en Colère dans le rôle de Paul Brissac, réalisateur du film C'est beau, une ville la nuit. C'est également l'année de naissance de Barbara Lynn, chanteuse américaine. 1948, naissance de John Carpenter, réalisateur américain, qui l'on doit Assaut, Halloween, La Nuit des Masques, Prince des Ténèbres ou encore Le Village des Damnés. 1959, naissance de Sadadou, chanteuse britannique. 1966, naissance de Maxine Jones, chanteuse américaine du groupe En Vogue, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Don't Let Go. Voilà pour l'extrait donc du groupe En Vogue. On continue. 1971, naissance de Sergi Bruguera, ancien joueur de tennis espagnol, ayant fait carrière de 1988 à 2002, qui était numéro 3 mondial. C'était en 1994. Il a gagné deux fois Roland-Garros. Il a été huitième de finaliste à l'Open d'Australie Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. Il est médaillé d'argent en simple au JO de 1996. Il a remporté une World Team Cup. C'était en 1992. Depuis février 2014, il est co-entraîneur de Richard Gasquet aux côtés de Sébastien Grosjean. Et depuis octobre 2017, il est capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis. 1974, naissance de Kate Moss, mannequin britannique. 1976, naissance de Lisa Ansaldi, chanteuse et comédienne française qui a incarné Madame de Montespan dans la comédie musicale Le Roi Soleil entre 2004 et 2007. 1985, naissance de Renée Phyllis Smith, actrice américaine connue pour son rôle de Nell Jones dans la série télé NCIS Los Angeles. Et enfin, on termine en 1989 avec la naissance d'Yvonne Zima, actrice américaine connue pour le rôle de Rachel Green dans la série télé Urgence et le rôle de Daisy Carter dans Les Feux de l'amour. Allez, comme tous les mercredis, avant de marquer une nouvelle pause musicale, on va parler des sorties cinéma. On commence avec le film Colette, un drame biopic de Wash Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West et Eleanor Tomlinson. Autre film, Glass, un thriller fantastique de M. Night Shyamalan avec James McAvoy, Bruce Willis ou encore Anya Taylor-Joy. Autre film, Ben is Back, un drame de Peter Hedges avec Julia Roberts, Luke Hedges et Courtney B. Vance. Autre film, L'incroyable histoire du facteur cheval, comédie dramatique de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta ou encore Bernard Lecoq. Autre film, Double vie, comédie, romance d'Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche ou encore Vincent Macaigne. Autre film, The Front Runner, un drame biopic de Jason Reitman avec Hugh Jackman, Vera Farmiga ou encore J.K. Simmons. Autre film, une jeunesse dorée, drame d'Eva Ionesco avec Isabelle Huppert, Melville Poupeau et Galatea Bellucci. Et enfin, dernier film, Holy Lands, un drame d'Amanda Sters avec James Caan, Tom Hollander ou encore Jonathan Rhys-Meyers. Voilà pour les sorties ciné. On marque tout de suite une pause avec la chanteuse Sadadou et le titre Your Love Is Kind. C'était la chanteuse Sadadou sur le 107 FM. Eh bien, il est presque 8h45 et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera une belle journée ensoleillée avec quelques nuages encore par endroits ce matin, mais ceux-ci vont se dissiper. Hein. On aura une belle journée. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés pour cet après-midi. Jeudi, ce sera malheureusement le retour de la pluie avec de la neige à prévoir en fin d'après-midi. Des températures qui devraient être comprises entre 2 et 3 degrés demain matin, entre 4 et 6 degrés pour demain après-midi. Et vendredi sera le retour du soleil avec un petit peu de nuages, des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin, entre 1 et 2 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite au sport. Les résultats sportifs. On commence avec le handball messieurs et le mondial et la France qui a décroché le match nul hier soir à la toute dernière seconde face à l'Allemagne. 25 partout. Grâce à ce match nul, la France garde la tête de son groupe et est bien sûr déjà qualifiée pour le prochain tour avant le dernier match. Ce sera demain soir contre la Russie. Un mot de football maintenant avec la Ligue 1 où Bordeaux s'est imposé 2-1 à Angers. Ce soir, Monaco reçoit Nice, Nîmes reçoit Nantes, Toulouse reçoit Lyon et Saint-Étienne reçoit Marseille. Un mot de basket en NBA. Cette nuit, l'équipe de Phoenix de Okobo à 4 points s'est inclinée face à l'équipe d'Indiana 131-97 et l'équipe d'Oklahoma de Luau Cabarro s'est inclinée face à Atlanta 142-126. À noter que le français n'a même pas une minute de temps de jeu lors de la rencontre d'hier soir. Et du côté de chez nous, en Pro B, Nancy se déplaçait à Grisoberhofen et est revenu en Lorraine avec la victoire puisqu'ils se sont imposés 81-84. Avant de parler de l'Open d'Australie, on va parler biathlon puisque devait démarrer aujourd'hui l'étape de Repolding avec le sprint messieurs, mais malheureusement en raison des fortes chutes de neige qu'il y a eu les jours derniers, eh bien le sprint messieurs est reporté à demain matin 11h15, notez bien. Alors si malheureusement vous êtes au travail, eh bien vous verrez peut-être le replay en rentrant chez vous ou alors vous verrez les résultats. Et le sprint dames aura lieu, lui, bel et bien à 14h30 comme c'était prévu. Enfin en tout cas, c'est les dernières infos qu'on a. Hein. Si bien sûr il y a des changements, on vous tiendra au courant pour les fans de biathlon. Et carnet rose pour Marie-Dora Haber qui a donné naissance dans la nuit de lundi à mardi à une deuxième petite fille prénommée Ivy. Toutes nos félicitations. Et donc on file maintenant en Australie avec l'Open d'Australie. C'est du tennis bien évidemment et on va parler des résultats d'hier où côté messieurs Tsonga s'est qualifié en 3-7 face à Klizan 6-4, 6-4, 7-6. Jérémy Chardy s'est imposé en 5-7 face à son compatriote Humbert 3-6, 7-6, 6-4, 6-7, 7-6. À noter que Jérémy Chardy est ainsi le premier vainqueur du Super Tie Break qui a été mis en place dans le 5e set à l'Open d'Australie. À noter la défaite de Sakharov en 3-7 face à Marterer 6-3, 6-1, 6-3. Autre défaite côté tricolore, la défaite de Benoît Paire en 5-7 face à Dominique Thiem 6-4, 6-3, 5-7, 1-6, 6-3. Novak Djokovic s'est qualifié en 3-7 face à Kruger 6-3, 6-2, 6-2. Djokovic sera le prochain adversaire de Joe Wilfried Tsonga. Raonic s'est qualifié en 3-7 face à Nick Kyrgios 6-4, 7-6 et 6-4. À noter la qualification de Wawrinka qui a bénéficié de l'abandon de Gulbis. Le Suisse avait perdu le premier set 6-3. Il menait 3-1 dans le second set. Et à noter la défaite de Cecchinato, tête de série numéro 17 face à Krajinovic en 5-7, 4-6, 0-6, 6-1, 7-6, 6-4. Aujourd'hui, Federer s'est qualifié en 3-7 face à Evans 7-6, 7-6, 6-3. À noter la défaite de Kevin Anderson, tête de série numéro 5 face à Tiafoe en 4-7, 4-6, 6-4, 6-4, 7-5. La qualification de Cilic en 4-7 face à McDonald 7-5, 6-7, 6-4, 6-4. La qualification de Tsitsipas en 4-7 face à Troïki 6-3, 2-6, 6-2, 7-5. Kachanov s'est qualifié en 3-7 face à Nishioka 6-3, 6-3, 6-3. Et à noter la défaite il y a quelques minutes de Gaël Monfils en 4-7 face à Fritz 6-3, 6-7, 7-6, 7-6. Au programme dans le reste de cette journée, Rafael Nadal qui affrontera Ebden, Bautista Agut affrontera Milman et Dimitrov sera opposé à Cuevas. Et côté féminin, à noter hier la qualification d'Alizé Cornet en 2-7 face à Aroa Barrena. 6-2. Osaka s'est qualifiée en 2-7 face à Linette. 6-4, 6-2. Alep se fait une grosse frayeur face à Kanepi, mais au final, elle s'impose en 3-7. 6-7, 6-4, 6-2. Svitolina s'est qualifiée en 2-7 face à Golubic. 6-1, 6-2. À noter la défaite de Sibulkova, tête de série numéro 26, face à Zhang en 3-7, 6-2, 4-6, 6-2. Aujourd'hui, à noter la qualification de Caroline Garcia en 2-7 face à Ives, 6-3, 6-3. Stevens s'est qualifié en 2-7 face à Babos, 6-3, 6-1. Barty s'est qualifié en 2-7 face à Wang, 6-2, 6-3. À noter la défaite de Bertens, tête de série numéro 9, face à Pavluchenkova en 3-7, 3-6, 6-3, 6-3. Wozniacki s'est qualifié en 2-7 face à Larsson, 6-1, 6-3. Et Sabalenka s'est qualifié en 2-7 face à Bulter, 6-3, 6-4. Dans les autres rencontres aujourd'hui, Kerber affrontera Adadbaya, Sharapova se repose à Peterson et Kvitova affrontera Begu. Et des nouvelles de Richard Gasquet, on apprend qu'il va être opéré d'une hernie à l'aine demain. Il sera donc absent 2 mois supplémentaires pour faire sa convalescence. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec la comédie musicale Le Roi Soleil et la collégiale Tant qu'on rêve encore. Il était une fois, c'est comme ça qu'une histoire. Un reste au fond de soi d'enfance. On part pour la vie sans la choisir vraiment. Tant qu'on